Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, Franck Ferrand nous entraîne sur Europe 1 au cœur de l'histoire des pirates. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Un numéro spécial d'Historia vient de paraître qui est entièrement consacré aux pirates et à la piraterie. Alors essentiellement, vous savez, les pirates tels qu'on les entend habituellement, les pirates des Caraïbes au XVIIIe siècle, on est en plein dans l'île au trésor si vous voulez. Nous en parlerons dans un moment avec mes invités Victor Batagion et Patrick Villiers. Pour ma part, j'aimerais commencer par vous raconter la fantastique carrière du plus français, non pas des pirates, mais des corsaire du roi, je vais revenir sur la distinction dans un instant, le fameux Duguay Trouin, René pour les intimes. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Nicole sur l'origine de l'expression en deux coups de cuillère à peau. Oui, nous avions posé la question jeudi, je n'avais pas eu le temps d'y répondre, vous rappelez. Eh bien, ce sera chose faite aujourd'hui. Pour le moment, sous quai ferme Moussaillon, nous partons à l'abordage. J'espère que nous n'allons pas être abordés. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un très grand marin dont je vais aujourd'hui vous conter l'existence. Voilà ce que dit Jean-Yves Nerzic dans sa biographie. De manière universelle, on reconnaît à Duguay Trouin un remarquable sens marin, une exceptionnelle intelligence de la stratégie et de la tactique navale, une aptitude égale à se battre sur terre et sur mer, un courage inébranlable et une obstination tenace, une audace dans le dessein tempérée par une prudence qui lui interdit de prendre des risques injustifiés, que de qualité, a-t-on envie de dire, jointe à une disposition certaine pour la diplomatie, à une grande capacité à apprécier les hommes, quel que soit leur grade, et à exprimer son jugement à l'attention de ses supérieurs. Ses qualités de combattant et d'organisateur font de lui un personnage hors du commun, tant comme commandant à la mer que comme officier général à terre. Si j'ose dire, fermez le banc. Pourtant, la célébrité de Duguay Trouin n'est pas à toute épreuve. On raconte qu'au milieu du XIXe siècle, le régisseur du château de Versailles, lorsqu'il faisait visiter à des connaissances les galeries historiques de Louis-Philippe, présentait une statue de Bertrand du Guesclin en disant « Certains disent du Guesclin, d'autres du Duguay Trouin », ce qui rendait malade évidemment le conservateur de l'époque. Aucun rapport, évidemment, entre l'homme de guerre du XIVe siècle et notre corsaire malouin, René Duguay Trouin. J'ai bien dit corsaire et non pirate. Vous savez, la différence, c'est que le corsaire dispose d'une lettre de course. Il est accrédité par le pouvoir royal pour aller semer la terreur dans les marines ennemies. En quelque sorte, le corsaire est un pirate officiel, si vous voulez. Alors avant de s'imposer comme le parfait aventurier des mers, Duguay Trouin avait été destiné à une toute autre carrière. Figurez-vous qu'il aurait dû devenir prêtre. Finalement, il a préféré imiter son père et son frère aîné et réaliser son rêve qui était de naviguer. Il va devenir même le grand corsaire des règnes de Louis XIV et de Louis XV. En tout cas, la fin du règne de Louis XIV et puis la régence et le tout début de celui de Louis XV. On peut dire que cet homme aura consacré à la mer sa vie entière, c'est-à-dire tout le dernier tiers du XVIIe et le premier du XVIIIe siècle. Avant de mourir, il va écrire ses mémoires, dont une première édition paraît en 1730 à Amsterdam et en 1740 à Paris paraît cette édition complète des mémoires de Duguay Trouin qui vont jouer un rôle, cette édition qui va jouer un rôle très important dans la notoriété du personnage. On peut dire que l'existence de ce document explique évidemment la popularité du malouin. Je dis bien malouin, c'est très important. René est né à Saint-Malo le 10 juin 1673. Saint-Malo, capitale, si j'ose dire, de l'aventure et de la mer, aussi du négoce, bien entendu. Son père était un armateur, Luc Trouin. Alors toute son enfance est marquée, vous savez, par ces écoles un peu difficiles de l'époque, ce qu'on appelait la petite école, assez sévère. En même temps, dès qu'il peut, il s'éclate l'éclipse vers les cabarets locaux dans lesquels on trouve tous ces marins qui racontent leurs récits épiques. Il y a de quoi donner envie aux adolescents de devenir à leur tour corsaires, bien entendu. René est le deuxième garçon de sa famille. Il a un frère aîné qui s'appelle Luc, comme son père, et qui reprendra la carrière d'armateur. Lui est donc, comme beaucoup de cadets, il est destiné au monde ecclésiastique. Alors le voilà qui part pour Rennes, au collège dirigé par les jésuites, où il étudie le latin, le grec, la théologie. Ça va peut-être expliquer aussi l'étoffe du personnage, qui était un homme cultivé. Il devait devenir prêtre. Et puis, à 15 ans, changement de destinée, bifurcation, si je puis dire, c'est la mort de son père. Alors là, il rentre à Saint-Malo, il le raconte lui-même dans ses mémoires. À 16 ans, dit-il, j'étais un enfant terrible. Mon père voulait absolument que j'entrasse dans les ordres. Je fus envoyé au collège des jésuites à Rennes, je portais la tonsure, prêtre, vous me voyez, en ecclésiastique. En mars 1689, je n'irai pas jusqu'à dire heureusement, mais Sire Trouin, mon père, mourut subitement. Dès lors, je devenais libre de ma vie, une vie de patachon. Son frère Luc a pris le nom de Trouin de la Barbinet et lui choisit pour se distinguer celui de Duguay-Trouin, mais il va donc continuer ses études. C'est à Caen qu'il étudie la culture, les arts, etc. Il travaille la poésie. Il va en même temps recevoir ce qu'on appelle une bonne éducation. Il se forme à l'escrime, au jeu de paume, à la danse, etc. C'est un philosophe de goût aussi. En vérité, disons-le, il ne travaille pas beaucoup, ce René Duguay-Trouin. Il est considéré comme très impétueux, impossible à gérer. Déjà, c'est un briseur de cœur, si je puis dire, ou plutôt un coureur de jupons. Il avoue dans ses mémoires être un mauvais sujet. C'est vraiment ça. Alors, on le voit voyager à Rouen, à Paris. Son frère est obligé d'intervenir. Il faut dire que ce gamin multiplie les frasques. Et c'est d'ailleurs pour le punir qu'on va l'embarquer de force sur un bâtiment corsaire. Vous savez qu'à l'époque, la vie des mousses était particulièrement rude, eh bien on se dit au moins ça va le remettre dans le droit chemin. Ce que n'avait peut-être pas bien envisagé sa famille, c'est qu'en vérité c'était à lui son rêve depuis sa plus tendre enfance. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Dans le temps, il partait sur la mer, voile au vent. Quand vivaient les corsaires, ils s'en allaient, le cœur léger, ils s'enivraient d'aventure. La BO de ce feuilleton corsaire et flibustier qui a bercé l'enfance de ma génération. Alors je vous disais qu'il embarque tôt, il a 16 ans, notre René. Quand je dis tôt, il y en a qui embarquent bien plus tôt que ça, d'ailleurs. Voilà ce qu'il dira dans ses mémoires. J'embarquais comme volontaire sur la Trinité de 18 canons, un dur châtiment décidé par Luc, mon aîné, aussi austère que feu mon père. Ensuite, ce fut le Grénédan de 28 canons. Luc me jugea digne de commander le Danilan, flûte de 14 canons, puis le Coetcam, enfin l'Hercule, frégate de 28. Je fis quelques prises et cela me valut le commandement de la Diligence, une fine frégate. N'allons pas trop vite en besogne. Ce que me racontait pendant l'interruption Patrick Villiers, c'est que au moment même où il monte sur la Trinité, sur son premier navire, ça se passe très mal. À son premier abordage, les deux navires s'écartent, le maître d'équipage qui est à côté de lui tombe à l'eau et les deux navires se rapprochent et la tête du malheureux maître d'équipage explose. Duguay-Trouin reçoit de la cervelle sur lui-même, donc, et il dit que ça ne l'a pas découragé. Il est remonté à bord. Deux de ses frères mourront en cours de combat sous ses yeux. Alors c'est sur le Grénédan qu'il va se couvrir de gloire, on est donc là un petit peu plus tard, 1691. Il s'empare notamment de trois navires de commerce britanniques au large de l'Irlande. Voilà ce qu'il dit. C'est pratique d'avoir les mémoires comme ça. Finalement, on devrait raconter la vie des gens qui ont écrit leurs mémoires avec évidemment toutes les précautions que ça suppose parce que chacun raconte aussi un peu ce qu'il veut parfois. Cette aventure, écrit-il, c'est un homme d'honneur du Guay-Trouin. Cette aventure me fit tant d'honneur par le témoignage de notre capitaine et de tout l'équipage que malgré ma grande jeunesse, ma famille me jugea digne d'un petit commandement. Et voilà donc comment, à 18 ans, on devient capitaine. Il commande un bâtiment de 14 canons avec une centaine d'hommes d'équipage quand même à 18 ans. C'est pas rien. Il revient de sa première campagne, disons-le, sans avoir capturé qui que ce soit. Il a surtout subi, essuyé de très violentes tempêtes. Autant dire que cette première campagne est un échec. Mais vous avez compris que Duguay-Trouin n'est pas du genre à se rebuter pour si peu. En 1692, alors là, il faut peut-être parler un peu du contexte, évidemment. On est dans cette guerre maritime maritime à outrance, c'est l'année du désastre de la Hougue, évidemment. Vous savez que la flotte de Tourville, l'amiral Tourville, est presque entièrement détruite, dont le fameux Soleil Royal, alors que la bataille, dans un premier temps, semblait plutôt bien, voire très bien engagée pour les 44 vaisseaux français qui faisaient face à 98 vaisseaux anglo-hollandais. Finalement, c'est donc ce sont ces derniers qui vont l'emporter, plus ou moins, car c'est un peu une non-bataille, ce désastre de la Hougue. Et là, c'est le début vraiment de la guerre des corsaires. René Duguay-Trouin n'a même pas 20 ans au moment de la Hougue. Il sera, on peut dire, le plus grand, le plus célèbre des corsaires, le plus beau aussi, car s'il n'avait pas eu cette allure de dandy avant la lettre, si je puis dire, peut-être qu'on n'aurait pas autant parlé de lui. Quelques jours après le drame, Duguay-Trouin commande donc le Coetquen. Il navigue avec un autre corsaire, Saint-Aron, qui est un capitaine irlandais, et tous deux battent pavillon anglais. En partant dans l'embouchure de la Rance, tout près, ils tombent sur une flotte marchande de 30 bâtiments de commerce anglais, et alors là, allons-y. Hein. Évidemment, ça va être le début d'une guerre de corsaires. Les vaisseaux de guerre anglais, généralement, doivent fuir lorsqu'ils voient arriver Duguay-Trouin. Néanmoins, en l'occurrence, ils vont être eux-mêmes mis en difficulté. C'est leur tour de fuir. Les deux corsaires doivent se séparer. Duguay-Trouin se réfugie à Erquy. Là, il y a une forte tempête. L'abri n'est pas bon. Un ennemi arrive avec 60 canons. Donc, il faut de nouveau s'enfuir et rejoindre Saint-Malo. Il reviendra avec deux navires chargés de tabac, tout de même. On peut dire que cette première navigation périlleuse l'a changé. Il rentre plus réfléchi. Il connaît sans doute un peu mieux la mer. Et il connaît cette fois la bataille. Son frère lui confie le commandement du Profond, qui est un navire de 400 tonneaux, un bâtiment de la marine royale, et 30 canons quand même, avec un important équipage, 17 officiers, 232 marins et mousses, 15 soldats, 32 volontaires. Et le 16 septembre 1692, c'est donc son départ de Brest. Il veut aller vers les côtes du Portugal, seulement il y a à bord une mauvaise maladie, une fièvre qui va quand même emporter 80 marins. Alors, au cours de l'escale à Lisbonne, les 22 des marins désertent. Vraiment, l'équipage n'est plus du tout suffisant. Il faut regagner Brest, où l'on accoste le 14 août 1693. Et puis de là, regagner Saint-Malo. Il se bat en duel à ce moment-là avec le prévôt d'un maître d'armes. Et il choisit, je cite toujours les mémoires, de donner libre cours à sa passion dominante pour les femmes qui n'avaient point de bornes. C'est ça aussi Duguay-Trouin, évidemment. Hein. Je vous parlais d'un aventurier à tous les sens du terme. En 1693, le sieur Vauban, extraordinaire Vauban, est nommé lieutenant général de la marine. Il veut former des escadres légères à Dunkerque, à Brest, à Toulon, afin, c'est le but, hein, bien sûr, de ruiner le commerce ennemi. Duguay-Trouin va prendre le commandement de l'Hercule, qui est une frégate de 400 tonneaux, avec 260 hommes d'équipage. Et après 2 mois de campagne, il capture 2 navires de la Compagnie des Indes, 2 gros navires chargés d'or, d'argent. C'est très important. Il va capturer aussi un navire anglais rempli de charbon. Il regagne Brest. Et on peut dire que, du fait de cette prise, Duguay-Trouin, à partir de là, est considéré comme un maître. C'est le vengeur de Tourville. C'est celui qui a accompli un triple exploit en un temps record. À 20 ans, on peut dire qu'il entre dans la légende héroïque de la mer. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie et aux mémoires du fameux corsaire René Duguay-Trouin. Alors, Duguay-Trouin va se battre, évidemment, pendant cette guerre entre la France, cette guerre maritime entre la France et l'Angleterre. Et en 1694, il est sur un navire qui s'appelle la Diligente, 40 canons, 250 hommes d'équipage. Et là, au mois de mai, ça se passe mal. Il va finalement être arraisonné. Il est blessé, d'ailleurs, à la hanche, fait prisonnier et soigné, d'ailleurs, par le chirurgien personnel de l'amiral anglais David Mitchell. On le débarque à Plymouth, et alors là, c'est assez étonnant parce qu'on pourrait penser qu'il va être chargé de chaînes et jeté au cachot. Pas du tout. Il a une telle réputation, si vous voulez, qu'on va lui laisser son sabre, ses lettres de marque, son argent, le coffre avec ses vêtements de rechange, etc. Il est assez bien considéré, finalement, à Plymouth. Il est là avec un certain nombre de ses officiers, avec son fidèle gabier qui s'appelle Pierre Legendre et dont il parle dans ses mémoires. mémoire. Alors, il a le droit chaque jour de descendre jusqu'au quai pour voir passer les vaisseaux, les frégates et même les barques de pêche. Il va rencontrer là une certaine Hélène des Rentours, qui est une jeune fille charmante, qui d'ailleurs tombe très vite amoureuse de lui. Faut vous dire, je vous ai dit, il est très beau, avec des yeux gris, un très beau visage, et elle est plus que très charmante. Alors, en vérité, il va se servir d'elle, parce que lui n'a qu'un amour, c'est une certaine Françoise de la Moinerie Mignac, qui est la jeune fille qu'il aime vraiment, qu'il a abandonnée, si je puis dire, à Saint-Malo pour repartir dans la course, où ils se sont à peine vus un dimanche à la sortie de la messe. Leurs regards se sont croisés, leurs doigts se sont effleurés, il y a eu quelques paroles d'échangées, mais il n'empêche, pendant toute sa drôle de captivité, du guet ne rêve que de rejoindre cette Françoise. Alors il fait toutes sortes de plans d'évasion. Vous allez me dire, il n'est pas à plaindre, parce qu'on s'amuse bien quand même autour de lui pendant cette pseudo-captivité, mais lui ne songe qu'à s'enfuir et il a trouvé un bon moyen pour ça. En fait, il faut savoir que la fameuse Françoise, qui est amoureuse de notre René, simultanément a semer des ravages dans le cœur d'un certain nombre des soldats de la division, enfin des Anglais, et notamment d'un certain Laverdon, qui va jouer un rôle très important. Et c'est comme ça que Duguay-Trouin va s'en sortir. Il le raconte d'ailleurs mot à mot, il le raconte en détail dans ses mémoires. Et si vous voulez lire le passage, je l'ai mis sur mon site francferrand.com, donc vous pouvez retrouver tout le passage des mémoires de Duguay-Trouin qui raconte justement tout le subterfuge. Voilà le plan. En gros, il propose à ce Laverdon, il lui propose d'organiser un rendez-vous dans une auberge locale. Et pendant ce rendez-vous, eh bien, il parlera en sa faveur. Lui qu'il connaît bien, il dira tous les mérites de cet officier. Et la jeune fille finira sans doute par succomber. Et en vérité, bien entendu, vous imaginez ce qui va se passer. Le geôlier, si je puis dire, le gardien de Duguay-Trouin va le conduire à la fameuse auberge. Il se cache, lui, pendant que l'autre est censé parler en sa faveur à la jeune fille. Et puis, le gardien attend. Il trouve que tout ça est extrêmement, extrêmement long. Et quand finalement, il monte au deuxième étage dans la chambre où sont censés se trouver la belle Hélène, si je puis dire, et monsieur Duguay-Trouin, la belle Hélène est trouvée évanouie. La fenêtre est grande ouverte. Quant au malouin, il est parti. Il s'est enfui. 48 heures plus tard, grâce à des Suédois qui se trouvaient là dans le port, ils le savaient, bien entendu, tout ça était bien monté, Duguay-Trouin file en direction de la France. Il est toujours amoureux de sa belle Françoise, sauf qu'au moment où il va arriver, le moment où il va rentrer à Saint-Malo, il apprend qu'elle a été envoyée au couvent des Bernardines et qu'elle a prononcé des vœux définitifs. Alors, est-ce que c'est pour se venger du destin? En tout cas, à partir de là, il va se lancer dans une campagne tout à fait extraordinaire. Il a été repéré cette fois par la cour et il va enfin entrer dans la marine royale, parce que jusqu'alors, les navires qu'il commandait, même si certains d'entre eux et même beaucoup d'entre eux étaient des navires de guerre royaux, il lui-même ne faisait pas partie de la marine royale. On va revenir sur ce détail dans un instant avec Patrick Villiers. À partir de ce moment-là, c'est une véritable épopée que va connaître Duguay-Trouin. Il va faire vraiment une carrière tout à fait extraordinaire. Faut pas oublier que la France à cette époque-là domine complètement les mers. Les Malouins ont capturé au total sur ces 25 années plus de 3000 navires. Et sur ces 3000 navires, près de 300 navires de guerre. Vous voyez, donc, pendant la guerre de succession d'Espagne, Louis XIV a certes échoué dans son vieux projet d'envahir le territoire britannique, mais en 1710, il lance un certain nombre de tentatives contre les alliés des Anglais, c'est-à-dire contre les Portugais. C'est un échec, mais le roi décide de lancer une expédition contre le Portugal. Il choisit Duguay-Trouin, qu'il vient d'anoblir d'ailleurs, on est en 1710, pour mener l'expédition en question. Et cette expédition, elle aura un but extraordinaire et qui aujourd'hui encore nous fait rêver. Ces messieurs de Saint-Malo doivent partir à l'abordage de Rio. Bonjour Patrick Villiers. Alors, oui. Vous nous avez déjà dit un mot tout à l'heure, mais je voulais que nous disions peut-être un mot de cette expédition de Rio qui a été tout à fait extraordinaire. Oui, alors, l'expédition de Rio nous ramène un petit peu à la piraterie. C'est-à-dire que c'est une piraterie, cette fois-ci, royale. C'est-à-dire que comme pendant la guerre précédente, où Pointis avait attaqué Carthagène, là, il s'agit d'attaquer Rio de Janeiro, où un officier du roi Duclerc, qui avait tenté de capturer la ville, a été prisonnier, et les Portugais se sont très mal conduits. Donc il y a un double objectif, libérer les Français pris lors de l'attaque précédente, et surtout piller la ville la plus riche de l'hémisphère sud. Ils ne vont pas s'en faire faute, c'est le moins qu'on puisse dire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez des pirates avec vos invités. Patrick Villiers, professeur émérite à l'Université du Littoral Côte d'Opale, auteur notamment de Jean Barthe, corsaire du Roi Soleil aux éditions Fayard. Et Victor Batagion, rédacteur en chef du hors-série d'Historia, Pirates, la terreur des Caraïbes, qui est en kiosque jusqu'en janvier. Alors messieurs, nous allons bien sûr venir dans un instant à... Bonjour Victor Batagion. Bonjour Franck. Pardon, je ne vous avais pas encore salué. Nous allons bien sûr venir à ces pirates des Caraïbes et à l'image que l'on a traditionnellement des pirates, mais pour en finir, si je puis dire, avec nos corsaires et notamment avec le plus célèbre d'entre eux, avec René Duguay-Trouin, nous l'avons laissé à Rio, où, nous dites-vous, il a laissé ses troupes piller la ville. C'est ce qu'on lui reprochera d'ailleurs assez durement. Oui, mais les Portugais avaient quand même fait beaucoup d'exactions contre les Français, donc il y avait un compte à régler. Alors, la ville est prise très très rapidement et elle est mise à rançon. Et pour arrêter le pillage, donc les Portugais vont payer la rançon. Cette rançon est énorme, donc je ne vais pas l'énumérer, mais puisque nous allons parler avec les pirates de la réalité des trésors, là, ce qui est sûr, 1413 kilos d'or, de l'argent en très grande quantité, mais aussi, parce que c'est ça qu'il faut toujours se souvenir dans les cargaisons coloniales, c'est qu'on a bien d'autres choses qui rapportent. Donc du sucre, du tabac, des tissus, etc., des émeraudes. Mais tout ça au prix du sang, il ne faut jamais l'oublier. La fameuse expédition du Guédroin à Rio de Janeiro a été très meurtrière. Il y a eu beaucoup d'hommes qui sont morts en route. Oui, enfin, alors elle est meurtrière. Alors le paradoxe, c'est que finalement... Il y a 400 morts au combat, à la louche. Mm-hmm, Et puis, ensuite, il y a deux navires qui font naufrage au retour. Voilà. Donc, deux navires à 400 hommes chacun, donc ça fait 800, plus le scorbut, etc. On a pratiquement 1300-1400 morts. C'est ça, c'est incroyable. L'expédition fait 92% de bénéfices. Ah oui, c'est des chiffres officiels. On n'est pas dans Daniel Defoe, là. Pas étonnant qu'évidemment, dans les années qui suivent, Duguay-Trouin devienne un homme non seulement riche, mais extrêmement considéré. D'ailleurs, le régent Philippe d'Orléans, qui succède à Louis XIV, va intégré au Conseil de la Compagnie des Indes. Et puis sous Louis XV, alors il connaît une carrière extraordinaire. Il est commandeur dans l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, avec une très grosse pension. Il devient lieutenant général des armées navales. Enfin, il fait finalement la carrière d'un commandeur, si je puis dire. Jean Barre avait fait la même chose. C'est-à-dire que, comme ce sont des gens très très brillants, on les nomme à la tête d'un arsenal. Alors Jean Barre, c'était l'escadre du Nord et Dunkerque. Lui, on ne peut pas le donner à Saint-Malo, parce que Saint-Malo n'est pas un arsenal. Donc on lui nomme le plus grand, c'est-à-dire Brest, où il va se révéler un très brillant organisateur, on en parlait tout à l'heure. Et donc, brillant organisateur, on l'appelle à Paris au Conseil de Marine, on donne des conseils, et quand on va réarmer la marine en 1729, c'est à lui qu'on redonne le commandement en 1731, jusqu'à sa mort. Il est le grand survivant des marins Louis XIV. Alors le souvenir de Duguay-Trouin, on peut le trouver à Saint-Malo bien entendu, à Brest et dans sa maison de campagne, la Flourie, et puis bien sûr à Paris où il va mourir de maladie dans son lit après avoir mené une vie pareille. C'est incroyable. Oui, mais la maladie, elle est bien connue. Il semblerait que ça soit les conséquences d'une maladie vénérienne et il meurt de manière abominable. Dans des souffrances intolérables. On lui ouvre la vessie. C'était absolument horrible. Alors voilà, cet étrange aveu de Duguay-Trouin, il dit « Ceux qui liront mes mémoires et qui réfléchiront sur la multitude de combats, d'abordages et de dangers de toute espèce que j'ai essuyés, me regarderont peut-être comme un homme en qui la nature souffre moins à l'approche du danger que la plupart des autres. » Je conviens que mon inclination est portée à la guerre, que le bruit des fifres, des tambours, celui du canon, du fusil, enfin, tout ce qui en retrace l'image m'inspire une joie martiale. Mais je suis obligé d'avouer en même temps que dans beaucoup d'occasions, la vue d'un danger pressant m'a causé souvent des révolutions étranges, quelquefois même des tremblements involontaires dans toutes les parties du corps. Cependant, le dépit et l'honneur, surmontant ces indignes mouvements, m'ont bientôt fait recouvrer une force nouvelle dans ma plus grande faiblesse. Ça, je trouve ça magnifique, c'est cornélien. Et alors que, voulant me punir moi-même de m'être laissé surprendre à une frayeur si honteuse, j'ai bravé avec plus de mérite les plus grands dangers. C'est après ce combat de l'honneur et de la nature que mes actions les plus vives ont été poussées au-delà de mes espérances. En un mot et dans un style moins châtié que celui du début du XVIIIe siècle, M. Duguay-Trouin avait souvent la trouille, Patrick Villiers. Mais, tout à fait. Mais justement, ce qui est très très intéressant, c'est la conception de l'honneur qu'il nous rappelle, à savoir que on se doit de mourir et moyennant quoi, tout est justifié. Donc comme il offre sa vie au roi, il peut conquérir les dames, piller, il a été accusé de pillage à plusieurs reprises. Voilà. Alors ça, ce sont les corsaires, on va dire, c'est la partie noble hein, de cette flibuste. Corsaire devenu officier du roi. Et puis en plus, là, en l'occurrence, il a fait toute la fin de sa carrière en tant qu'officier au plus haut niveau, où il devient quasiment le patron de la marine royale. Bon. Mais évidemment, il y a aussi en France des pirates, c'est-à-dire des gens qui ne disposent pas des lettres de marque signées de Sa Majesté. Oui, chaque guerre se termine par le fait que toute une série de marins, soit marins corsaires, soit marins des escadres royales, qu'elles soient françaises, anglaises, hein, se retrouvent au chômage et tous n'ont pas envie de redevenir marins pêcheurs ou pêcheurs à la morue, etc. Donc, ils vont devenir soit contrebandiers, soit carrément pirates. Alors, ces pirates, en fait, ce sont eux qui vous ont intéressé, Victor Batagian, dans ce numéro spécial d'Historia. Alors, vous nous parlez des pirates, essentiellement ceux qu'on connaît bien, c'est-à-dire ceux qu'a popularisé le grand cinéma américain, les pirates des Caraïbes. Oui, tout à fait, effectivement. Les pirates des Caraïbes, ça évoque à tout le monde quelque chose. On pense à Barbe Noire, on pense à Mary Red et Anne Bonny, etc. Et effectivement, quand on parle, on pourrait parler des pirates du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, oui, même et aujourd'hui. Et même, il y en a eu avant, et même encore. Et même avant. Oui, oui. Mais ce qui était intéressant, c'était prendre une période donnée, qui était très courte, c'est de 1713 à 1722 en gros. 1713, c'est pas un hasard, c'est la paix d'Utrecht, c'est la fin de la guerre de succession d'Espagne dont on parlait à l'instant. Qui a des conséquences, et donc ça va déclencher quelque chose. Et donc c'était de traiter cette période-là en parlant de la légende, mais aussi de l'histoire de ces pirates-là. Alors que se passe-t-il justement au lendemain de ce traité de paix de 1713 ? Lorsque la guerre de succession d'Espagne, qui a opposé les grandes puissances européennes, prend fin donc vers 1713, ce sont entre 30 000 et 36 000 marins qui sont démobilisés et se retrouvent à la rue, donc sans le sou. Les capitaines marchands profitent bien évidemment de cette affluence de main-d'œuvre pour baisser les salaires. Donc la situation devient très très difficile. Tous ces hommes, qui pour beaucoup sont des corsaires chevronnés, très bons marins, vont tourner leur regard sur les Amériques et décident de prendre leur destin en main et partent à l'aventure tenter leur chance. Alors attention, ils ne se considèrent pas comme des malfrats, mais plutôt comme des insurgés. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les flibustiers, Patrick Villiers ? Aux Antilles, oui, tout à fait. C'est aux Antilles spécifiquement, les flibustiers. Oui, les flibustiers, c'est aux Antilles. Oui, oui. Ce sont justement des gens intermédiaires, on le voit bien. Ils avaient le choix entre devenir colons, d'ailleurs un certain nombre vont le faire, mais les conditions d'engagement sont très dures. 9 ans chez les Anglais, 3 ans chez les Français, alors que la tentation est grande d'accumuler un capital beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, ce qui se passe, on le voit très bien, que ce soit les flibustiers de la grande flibuste française, donc Morgane, Ducasse, Augeron, etc., ou la flibuste dont on part à 1717-1721, dans les deux cas, on peut dire qu'ils se divisent en deux. Ceux pour qui la mort est au bout du rendez-vous, alors là on va en parler, et puis ceux qui veulent s'enrichir et finir avec une plantation. Et on retrouve bien les deux à chaque fois. Mais ça, on ne peut pas le savoir au départ, hein, bien entendu. Eux ont leurs petites idées quand même, hein, parce qu'il y en a qui gardent soigneusement tout ce qu'ils pillent, et puis les autres qui dépensent tout. On le voit très bien. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a des pirates dans les Antilles, aux Bahamas, pourquoi est-ce qu'il y en a? C'est, la question, c'est depuis la découverte du Nouveau Monde en 492, il y a eu le partage du globe par les Espagnols et les Portugais. Bien sûr, ouais. Et ça a laissé en marge les autres grandes puissances européennes. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec... Imaginez-vous les Anglais et les Français qui voient... Et les Hollandais. Et les Hollandais, bien sûr, qui voient des galions gorgés d'or qui passent sur leur nez depuis des siècles. Alors, c'est pour ça que dès le XVIe siècle, il va y avoir des quantités de marins, tantôt corsaires, tantôt pirates, qui vont être là et qui vont lancer des coups de main pour mettre la main sur cet or-là, mais aussi pour s'installer et s'implanter sur place. Alors, qui étaient-ils, ces pirates des Caraïbes, des Antilles? Comment vivaient-ils? Ou surtout, très fréquemment, comment mouraient-ils? C'est ce que nous voyons dans un instant avec vous. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Hans Zimmer sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Pirates des Caraïbes qui est sorti en 2003 avec l'acteur Johnny Depp. Alors évidemment ce film et tous ceux qui avaient précédé, il y en a un plus récent aussi hein, sur l'île au trésor, tout ça développe une certaine imagerie, un certain folklore de la piraterie bien entendu, repris par Walt Disney d'ailleurs évidemment. Est-ce que ce folklore a grand chose à voir avec la réalité, Victor Batadjian? On serait tenté de répondre non lorsqu'on feuillette Historia. Ah bah, dans toute fiction, il y a toujours une part de réalité et d'histoire, mais effectivement, ça s'éloigne quand même d'une certaine réalité historique. S'il faut parler de la vie quotidienne, par exemple, oui, de ces pirates, contrairement aux idées reçues, ils ne mènent pas une vie oisive, dégagée de toute loi ou de tout devoir. Avant de partir en expédition, par exemple, ils signent un contrat dans lequel le nouveau venu cautionne plusieurs choses. Les objectifs des opérations, la répartition des rôles et du butin qui est équitable, et la compensation pour les blessures et les infirmités. Une espèce quand vous dites équitable, c'est-à-dire qu'on sait en tout cas à l'avance la quote-part de chacun. Exactement. C'est ça ? Alors on se les imagine pas du tout comme ça, les pirates. Mmh, mmh. Et la compensation pour les blessures et infirmités, une espèce de sécu d'avant l'heure. Mmh. Alors, autre idée reçue qu'il faudrait battre en brèche, c'est l'autorité du capitaine. Alors, elle est incontestable, bien sûr, mais elle ne s'exerce que lors des combats. En dehors de ces moments-là, c'est le quartier maître qui est le représentant de l'équipage, qui est élu par l'équipage, qui commande le bateau. Alors, on pourrait décliner comme ça à l'envi. Oui, il y a un côté très démocratique dans cette organisation. Qui, au départ, ce sont un peu des malfrats quand Alors, même. Alors, vous parliez de l'origine de cette répartition. C'est Ex-Melun, dans son ouvrage « Les chirurgiens de la flibuste oui. », qui décrit toute cette organisation, dont j'ai démontré qu'en réalité, elle est issue des Hollandais. C'est-à-dire qu'en fait, et de la pêche hollandaise, c'est-à-dire qu'en fait, le capitaine amenait le bateau, puis ensuite il le louait à l'équipage, on faisait un partage aux parts de prise, à la compétence, etc. Et on retrouve mot à mot dans Capitaine Johnson... Donc on a repris l'organisation, en fait. Ah, complètement, oui. En fait, c'est là où on en parlait tout à l'heure, qu'on soit pirate français ou pirate anglais ou pirate hollandais, en réalité, on est dans un monde qui a des règles quasi-européennes de partage. Et vous dites bien un monde qui a des règles, parce qu'on imagine que ces pirates vivent dans une sorte d'anarchie complète, pas du tout, en fait. Absolument pas, même la vie à bord est régie, c'est-à-dire ils passent leur temps aux manœuvres, aux corvées destinées alors à maintenir le navire en état de combat, donc on dégage le pont, on vérifie les canons, etc., et à entretenir leur trousseau, donc l'ensemble de leurs vêtements. Les distractions ne viennent qu'ensuite, on joue aux osselets, aux dés, aux backgammon, on danse, on chante, mais il y a des règles, il y a un devoir et un travail. Alors évidemment, tous ces pirates vivent sous des cieux très cléments. Hein, on les voit aux Antilles, dans cette mer des Caraïbes extraordinaire. Donc ça fait rêver, bien entendu, les cocotiers et l'eau turquoise. Mais en vérité, ce sont aussi, faut pas oublier, des régions équatoriales extrêmement dangereuses hein, et où les maladies se propagent notamment. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on s'imagine les eaux turquoises, les cocotiers, les perroquets, les trésors. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Mais bon, quand on va dans les Caraïbes, les pirates avaient quand même la peur au ventre sur leur bateau. Alors, bien évidemment, un bateau, c'est du bois, donc on a peur du feu, on a peur des tempêtes, des ouragans, on a peur bien évidemment des combats, des blessures, la mort. On a également peur des animaux sauvages quand on fait des escales, ou alors justement des maladies ou des indigènes. Enfin, vraiment, c'est une vie qui n'est pas si clémente que ça. Que leur arrive-t-il quand on les pince, si je puis dire, ces pirates? On ne parle plus des corsaires, là, bien entendu, alors, Patrick Villiers. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est la difficulté des conditions de navigation. Parce que on arrive avec les alizés, mais quand on veut revenir, on navigue vent contraire. Donc, tous les circuits de nos pirates sont des circuits très sophistiqués, parce qu'il faut revenir, c'est pas le tout d'aller faire une prise. Où et ben, revenir au lieu de départ, c'est-à-dire que ça soit Kingston, donc, où il y a de très belles descriptions dans la revue Historia, que ça soit à la Tortue, que ça soit à Saint-Domingue. Enfin, donc, il faut savoir très très bien naviguer. Et alors, regardez une carte de la mer des Caraïbes, on peut partir sur des navigations de 1000 à 2000 kilomètres. Hein, on navigue pas, même si la Manche est très très difficile à naviguer, on navigue pas dans des mers aussi étroites que la Manche. Et c'est ça qui est très intéressant pour 1715-1721, c'est que justement, on se rapproche un peu des mers étroites, parce que si on regarde bien, on croise de la Virginie à la Jamaïque. Hein. Donc on croise sur un croissant, on n'est plus dans les grandes expéditions où on allait à Carthagène des Indes et on revient. Et donc là, la répression de la Royal Navy va pouvoir avoir lieu. Parce qu'en 1717, l'avez très très bien dit, le roi offre l'amnistie aux pirates. Et donc, il y en a la moitié qui jouent le jeu, dont un certain nombre de grands corsaires. Le roi d'Angleterre, en l'occurrence. Le roi d'Angleterre, oui, dont vous dressez les portraits d'un Neptunia, et puis, donc, Homer Maynard, enfin, etc. Et puis, il y a ceux qui décident de rester, malgré tout, pirates. Et là, il va y avoir un jeu du chat et de la souris. Ils vont à la fois faire des prises, mais en même temps, ils vont se faire prendre. Et là, quand on se fait prendre, il y a un procès. C'est pour ça que Capitaine Johnson, donc Daniel Defoe, nous donne ses renseignements, parce qu'il a participé à ces procès. Il a été, c'est un premier journaliste de l'époque, il a été interrogé, les gars, dans leur geôle, avant qu'ils soit pendu. J'allais dire, là, c'est violent, hein, c'est pendaison à tour de bras. Hein. Oui, après on pend, oui. Mais on en gracie, vous l'expliquez d'ailleurs dans la revue, on en gracie un certain nombre, notamment parce qu'ils sont jeunes. Alors, ces pirates vont prospérer jusqu'à quelle époque à peu près? Jusque quand est-ce qu'on peut parler de ces pirates, en tout cas de ce modèle classique des pirates? À partir du moment où le commerce colonial explose, c'est-à-dire quand la Virginie gagne plus d'argent à faire du tabac, à partir du moment où le sucre devient le moteur, l'indigo, etc. Donc, grosso modo... Donc là, début 19e, ça? Non. Entre 1723 et 1730, la piraterie est disparue. Elle se réfugie dans l'océan Indien, et là, c'est d'autres personnages, ça sera l'objet d'un autre volume. Mais on en parle quand même au début avec le très très bon article de Philippe Audrère sur Libertalia, le mythe de Libertalia où il serait parti créer une colonie qui n'a jamais existé en fait. C'est pas dans Neptunia, c'est bien dans Historia. Oui, je me disais Neptunia. Non, mais c'est parce qu'on écrit mais dans les mêmes revues. Donc, oui, bien sûr. Alors, Victor Batadjian, cette fin de la piraterie, c'est aussi la fin de tout un imaginaire, parce qu'évidemment, sont venus se greffer là-dessus toutes sortes de romans, toutes sortes, des œuvres de fiction, en quelque sorte. Oui, absolument. Et ces flibustiers, ils continuent encore aujourd'hui à enflammer notre imagination. Et notamment leurs trésors. Alors, est-ce que c'est vrai que ces pirates enterraient comme ça des trésors et qu'on a encore des cartes qui permettraient de découvrir des trésors fabuleux? C'est une très belle légende, mais ça n'arrivait que très très très très rarement. Un trésor, il faudrait se poser la question, qu'est-ce que c'est exactement un trésor à cette époque-là? Alors, oui, des coffres pleins de bijoux ou de piastres est l'évidence, mais il y a aussi deux choses, les marchandises. C'est-à-dire qu'un bateau pirate qui résonne un bateau marchand, ce sont les soieries, le sucre cubain, etc., etc. Ça, c'est un premier véritable trésor, parce qu'après, ils peuvent marchander avec, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et le deuxième point important, c'est l'équipage. C'est-à-dire que un chirurgien, ou un canonnier, ou alors un maître coq que l'on récupère sur un bateau marchand ou adverse, c'est un vrai trésor, c'est une pépite. C'est de la marchandise humaine. Exactement, oui, tout à fait. C'est Magali qui, via Facebook, nous demande s'il y avait des femmes pirates, et si oui, qui elles sont? Alors, des femmes pirates, il n'y en avait pas beaucoup non plus, mais il y en a deux qui ont quand même marqué l'histoire, c'est Mary Read et Anne Bonny. Alors, on peut dire que c'était deux femmes pirates, deux furieuses, qui ont eu des existences vraiment tourmentées. pour vous raconter une histoire très rapidement, c'est Anne Bonny est d'origine irlandaise, et c'est la fille adultérine de son père, donc Monsieur Cormac, et d'une servante. C'est un garçon manqué, elle a une abondante chevelure de lionne, quelque peu perturbée, bon, la gamine poignarde une domestique pour une affaire plutôt banale. Petite babiole. Oui, pas grand-chose. Alors, au lieu de fréquenter les salons de Charleston et se trouver un beau parti, parce que son père est quand même un riche planteur, Elle préfère quand même traîner dans les tavernes mal fréquentées et c'est là où elle va trouver son mari, James Bonney. Et ils vont partir tous les deux à New Providence pour se marier. Le père, furieux, la déshérite et elle, en réponse, elle brûle les plantations du père. Elle va se retrouver dans une expédition où elle rencontre Jack Rackham, qui est le quartier maître de Charles Vane. Et ils vont tomber amoureux. Celui-ci va la persuader, bien sûr, d'abandonner son mari, mais aussi de venir avec lui grimer et de participer à ses aventures. Et ces deux personnages-là vont rencontrer une deuxième femme pirate qui va être le double de Anne Bonny et ils vont partir à l'aventure comme ça. La suite, si je puis dire. Ménage à trois. Dans Historia, pirates, la terreur des Caraïbes, leurs exploits, leurs lois, leurs trésors. C'est donc un numéro hors série d'Historia avec Assassin's Creed qui participe à ce numéro. Merci beaucoup, Victor Batagian. Je rappelle que vous êtes, vous, par ailleurs, l'auteur de Ridicule, les dossiers inavoués des grands personnages de l'histoire. C'est chez First. Et puis, merci beaucoup, Patrick Villiers. Vous êtes un peu notre consultant maritime. Vous êtes l'auteur de Jean Bart, Corsaire du Roi Soleil, et puis un très beau livre qui vient de sortir et dont nous avions parlé il y a quelques semaines, Lafayette, rêver la gloire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, cet après-midi à la question de Nicole qui nous l'a envoyé sur Facebook et qui voudrait connaître l'origine de l'expression « en deux coups de cuillère à peau ». Eh oui, alors vous allez voir pourquoi je voulais qu'on revienne sur cette question aujourd'hui puisque nous parlons de piraterie. Bon, il y a une origine possible qui remonte grosso modo à la Première Guerre mondiale. Vous savez qu'on utilisait des cuillères pour vider rapidement les pots et que effectivement les cuillères en question en deux coups permettaient de vider entièrement un pot dans les cantines militaires et écartées. Sérale d'ailleurs. Donc ça pourrait venir de là et c'est d'ailleurs l'origine que retiennent la majorité des dictionnaires. Mais il y a une autre origine, à mon avis beaucoup plus probable, c'est que figurez-vous que la coquille qui protégeait la main sur le sabre d'abordage des pirates avait exactement la forme d'une cuillère à peau et qu'on l'appelait d'ailleurs par dérision dans la marine, on appelait ça une cuillère à peau. Et donc en deux coups de cuillère à peau, ça veut dire en deux coups de sabre tout simplement, ce qui, vous l'avouerez, est beaucoup plus explicite. Et puis présente, ce n'est pas négligeable aujourd'hui, l'intérêt de nous ramener à notre affaire de pirate. Je retiendrai donc en ce qui me concerne cette deuxième explication. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en deux coups de cuillère à peau, nous allons parler des polyamoureux. Alors ce ne sont pas des polygames, ni des polyandres, je crois que c'est comme ça qu'on dit pour les femmes qui ont plusieurs maris. Non, ce sont des gens qui vivent en couple et qui acceptent des relations extra-conjugales. Ils ne peuvent aimer qu'une seule personne, ils ne peuvent pas aimer qu'une seule personne. Non, ils ne peuvent pas, oui, voilà. Et du coup, on s'intéresse à la façon dont ils gèrent leur quotidien, dont on gère aussi la jalousie dans ce cas de figure. Vous pouvez bien sûr nous contacter au 3921 ou sur europe1.fr, Franck, et vous bien, pouvez. Bon courage, Elena. Nous nous retrouvons demain, Céline. À demain, Franck. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.